bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, on aura Nick Mason's Saucer Full of Secrets. On aura Pattern Seeking Animals des États-Unis. On a The New Empire des États-Unis. Greg Lake d'Angleterre. Godly and Cream d'Angleterre. La formation multinationale IT, et de la Pologne, on a Jersey and Chuck, et on a un autre groupe multinational du nom de The Tangent, et on va finir en Suisse avec Metamorphosis. Alors, comme à l'accoutumée, on a le premier bloc de l'émission qui est dédié à l'album de la semaine, et aujourd'hui, c'est Nick Mason's Saucerful of Secrets. C'est le batteur de Pink Floyd qui a réalisé un vieux rêve de reproduire en spectacle les chansons pré-Dark Side of the Moon. Et il s'est adjoint quelques musiciens qui ont très bien exécuté le travail. Et on en a tiré un album double de 22 chansons qui totalise 96 minutes. Et tiré de ces 22 chansons, je vous en propose 4. La première, c'est Interstellar, qui a été tiré originalement du premier album du groupe, qui s'intitule The Piper at the Gates of Dawn. Ensuite, on va entendre deux extraits qui furent originalement enregistrés sur Metal, Fearless et One of These Days. Et on va conclure avec un extrait de Atom Heart Mother, tiré de l'album du même nom. Alors, il va avec Nick Mason, Saucer Full of Secrets. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va débuter le deuxième bloc avec une formation américaine, c'est Pattern Seeking Animals. C'est un groupe de musiciens qui origine de la formation Spock's Beard. Alors, ils ont sorti en mai leur deuxième album studio qui s'intitule Prehensive Tales. Et je vous propose la pièce Raining Hard in Heaven. Ensuite, on a le groupe Empire. Empire, c'est un groupe qui a été formé en 1995 par Peter Banks. C'est un membre de Yes. Ils ont eu trois albums studio, 95 jusqu'en 96. Bon, là, il y a eu une longue éclipse et puis il y a une nouvelle formation sans Peter Banks. C'est quand même 24 ans plus tard. Alors, le batteur, aussi membre de la formation originale, Mark Murdoch, s'est adjoint les services du guitariste Fernando Perdomo, qu'on connaît bien. Et il y a aussi des artistes invités, 7-8, dont Dave Kirzner. Alors, ils ont produit l'album qui est sorti récemment, s'intitule The New Empire Second Lifetime. Et la pièce que je vous propose, c'est Foundation. Et pour conclure le bloc, on a une compilation qui vient de sortir concernant Greg Lake. C'est un album vinyle double qui relate les faits d'armes de ce chanteur qui nous provient de King Crimson. Et en spectacle, ils ont fait une version de 21st Century Schizoid Man que je trouve pas mal intéressante et qui diffère de ce qu'on a entendu dans le passé à plusieurs égards. Alors, on va débuter ça avec Pattern Seeking Animals. We'll be right back. beast of famine, wild-eyed shaman, I've loved you for so long. Dreams and visions you inspired, filled me with your charm. Blinding light, there's fire in the hills tonight. It might as well keep burning till the morning time. When you wake up, think about me, I'll be far away. Soothing savior, insane angel, gave you wings to fly away, away. 21st century schizoid man. We'll be right back. Side Man. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Le duo Godley and Cream, c'était deux musiciens du groupe 10cc et ils ont quitté le groupe en 1977 pour faire la promotion d'un bidule électronique qu'ils avaient inventé, c'était le Gizmo. Ils ont débuté avec un album triple, vinyle à l'époque. Cet album s'appelle Consequences et moi, la pièce que je préfère sur cet album-là, c'est Blind's Tune Movements. Ensuite, j'ai découvert récemment un groupe que je connaissais pas. Le groupe s'appelle IT, et je l'appelle IT. C'est un groupe néo-prog d'Angleterre. Ils ont fait carrière dans les années 90. Jusqu'à 2017, en fait, pour sortir 5 albums studio. Et celui que je vous propose, mais c'est Over and Out, le 3e, qui est paru en 2002. Et la pièce que j'ai choisie, c'est Stranded. Et on va conclure le bloc avec Jerzy and Chuck. C'est un guitariste polonais qui fait partie du groupe Albion. On en a fait jouer quelques extraits de l'album Ego Georgius la semaine dernière et on remet ça cette semaine avec la dernière pièce de la phase B. La pièce s'intitule Waltz. Alors on y va avec Godley and Cream. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. We'll be right back. We'll be right back.

L'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Le groupe The Tangent vient de publier son 11e album studio. Le titre de l'album, c'est Auto-reconnaissance. Et c'est un album constitué de 7 pièces et c'est un album très généreux. On compte 78 minutes. Alors, pour l'occasion, aujourd'hui, je propose la pièce Jinxed in Jersey. Ensuite, on va aller du côté de la Suisse avec un groupe du nom de Metamorphosis. C'est un groupe qui est actif depuis le début des années 2000. Ils ont déjà 5 albums studio enregistrés